Il est 19h, vous êtes dans les coulisses de Bérénice sur la radio Web Passion. L'émission est enregistrée suite aux mesures sanitaires et notamment à cause des horaires du couvre-feu. Dans les coulisses a choisi de découvrir ce soir le métier d'administrateur de salle de spectacle. Et pour ce faire, je suis accueillie à la salle de musiques actuelles sur Orléans, l'Astrolabe. Et c'est Alexandre Bréchet, administrateur, qui a accepté mon invitation. Bienvenue dans les coulisses, Alexandre. Merci, bonjour. Nous sommes bien installés dans tes nouveaux locaux, donc merci de m'accueillir. Alors, avant de tout connaître sur le métier, le concept de l'émission est de connaître bien sûr ton parcours personnel. Donc tout d'abord, est-ce que tu es originaire du Loiret ? Alors, je suis arrivé dans le Loiret à Orléans pour mes études il y a déjà fort longtemps maintenant. Je suis arrivé en 94 à Orléans pour à la fac d'Orléans, voilà. Je suis plutôt originaire du sud de la région parisienne, à côté des Tempes, voilà. Et je suis venu ici à la fac où j'ai suivi des études d'AES, administration économique et sociale, pendant 4 années, où j'ai fait une maîtrise donc d'administration des entreprises avec une mention gestion des ressources humaines. D'accord, très bien. Donc, au niveau de ta formation, donc tu viens de me l'expliquer. Quelle était la finalité de ce cursus professionnel ? Est-ce que le but était justement de rentrer dans une fonction d'administrateur ou, enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu as fait après ta maîtrise en fait ? On va dire ça comme ça. Alors, c'est absolument pas du tout des études en rapport avec le secteur culturel, puisque c'est une formation plutôt économique, sociale, gestion d'entreprise. Hein, c'est vraiment une formation en gestion des entreprises, avec, donc, comme je le disais, une spécialité. Moi, j'ai fait ça en maîtrise sur les licences maîtrise sur la gestion des ressources humaines plus particulièrement. À l'époque, j'avais pas du tout idée de travailler dans le secteur culturel. Il se trouvait par contre qu'à l'université, avec des copains, on était actifs déjà sur ce qu'on ne pensait même pas être de la culture d'ailleurs. En tant que tel, puisqu'on organisait des concerts, on avait monté une asso pour organiser des concerts, je faisais de la radio à Radio Campus, on avait même monté un petit fanzine avec des copains aussi sur le campus. Et puis, sortie de maîtrise, quelques interrogations sur la suite du parcours, une inscription en fac, réinscription en licence de droit pour éviter le service militaire, parce qu'à l'époque, ça existait encore. Voilà, et je doutais un petit peu de vouloir vraiment travailler dans une entreprise au service ressources humaines. Après, on va dire aussi une première expérience pro, ensuite de stage, de maîtrise et un début de travail qui s'était pas très très très bien passé, on va dire ça comme ça. Donc j'étais un petit point d'interrogation, donc j'ai repris une année d'études pour voir, je dirais, puis réfléchir à tout ça. Au cours de cette année-là, je me suis beaucoup investi encore plus, puisque j'avais du temps, je suis pas allé beaucoup en cours à vrai dire cette année-là, donc j'avais beaucoup de temps pour m'investir dans d'autres activités associatives. Ça a d'ailleurs plus que moins d'ailleurs correspondu avec l'ouverture de l'Astrolab à cette époque-là, puisque c'était l'année 98-99, et l'Astrolab ouvert en mars 99. Donc je participais avec mon asso à un petit peu aux discussions et à la préfiguration du lieu. Donc ça m'a beaucoup intéressé, je me suis beaucoup investi là-dedans. Et puis il s'est trouvé que à la fin de l'année scolaire, une personne qui travaillait à l'époque sur le campus, à l'animation culturelle du campus, a arrêté son contrat. Donc il allait avoir un recrutement et cette personne m'a dit mais tu devrais postuler. En gros, alors elle l'a pas dit qu'à moi d'ailleurs, à d'autres gens qui étaient investis dans les assos étudiantes. J'ai postulé et j'ai été recruté au Crous d'Orléans Tours pour m'occuper de l'animation culturelle sur le campus. Voilà. Attends, je vérifie si c'est bien enregistré parce que des fois on met la main et on fait pas attention. Donc c'est bon, tout va bien. Ce serait... Alors, et à partir du Crous, ça a duré combien de temps au Crous justement? Là, je vais tout savoir. J'ai plus tout à fait complètement les dates en tête, mais je suis resté à peu près 3-4 ans. Après ça, je pensais un petit peu avoir fait le tour du poste. Alors c'était super intéressant, très varié, parce que c'était à la fois accompagner les étudiants sur leurs projets d'activité culturelle, c'était aussi suivre, instruire des dossiers de subvention que posaient les étudiants pour leurs activités, c'était monter aussi des projets sur le campus, on organisait Campus en Fête, tout un tas d'événements tout au long de l'année, très divers, puisque ça pouvait être de la musique, ça pouvait être du théâtre, de la danse, des expositions d'art plastique, plein de choses, donc c'était très intéressant, très varié. Intéressant professionnellement aussi parce que je travaillais dans une grosse institution, une grosse administration, donc plutôt formateur en termes professionnels parce qu'une obligation de se conformer aussi à des modes de travail, de grosses structures, donc on est loin de la souplesse des petites associations, on va dire, donc il fallait beaucoup d'anticipation, beaucoup de dialogue avec plein de services différents qui ne nous attendaient pas spécialement, puisque la mission culture dans les Crous ou dans l'université, elle est existe, mais c'est pas le cœur de métier de ces institutions. Donc on était un petit peu les trublions sur ce campus. Au bout de 3-4 ans, j'avais eu le sentiment d'avoir un peu fait le tour de tout ça, et donc j'ai voulu changer. Il s'est trouvé qu'il y avait une compagnie de théâtre de rue à Orléans qui s'appelle Fabrica Pulsion, qui cherchait quelqu'un pour s'occuper de la promotion, de la diffusion de leur spectacle. C'est des gens que je connaissais un petit peu parce que j'avais travaillé avec eux pendant les 3-4 précédentes dernières années, justement sur le campus, etc. Donc j'ai postulé à cette offre, ils m'ont recruté et j'ai travaillé là-bas quelques années, pareil, 3-4 ans, où je me suis occupé, alors au début beaucoup, essentiellement de la diffusion des spectacles. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, je faisais le commercial, hein, j'appelais un peu les programmateurs dans des festivals, dans des salles, ou plutôt des mairies, parce qu'on faisait surtout de la rue, donc en extérieur, pour vendre les spectacles, essayer d'assurer leur promotion et les vendre. Ayant des compétences en gestion, puisque c'est ma formation initiale, petit à petit j'ai repris aussi du travail à l'administratif dans la structure. Donc ça c'était aussi très très très très intéressant parce que là je suis passé de l'autre côté, c'est-à-dire vraiment côté la petite association avec un budget qui est plus tendu parce que presque pas de subvention. Donc je suis passé d'une institution où les choses étaient peut-être un peu plus figées, mais dans un certain confort de travail, parce qu'il y avait des moyens accordés qui étaient présents tout le temps, à une structure qui reposait complètement sur son activité, et où on faisait vraiment attention à tout, avec des moments où des fois on se demandait comment on allait payer les salaires du mois suivant. Voilà, mais là du coup ça a été formateur dans un autre sens, parce que ça m'a pris aussi justement là, une certaine urgence des choses dans le métier. Et puis là, pour le coup, avec une asso, des gens très impliqués, un CA bénévole super, vraiment aussi très très impliqué dans la vie de la structure. Donc ça a été vachement intéressant. Voilà, 3-4 années comme ça. Alors en parallèle de tout ça, moi je continue à organiser des concerts avec mes collègues, les copains de l'époque, à être investi beaucoup à l'Astrolabe parce que je faisais partie du conseil d'administration de l'association Lantirouille qui gère la salle. Donc j'ai fait ça, voilà, tout ça en parallèle. Et puis après Fabrica, j'ai fait. Alors, il s'est trouvé que j'ai fait 6 mois de travail à l'Astro, en remplacement d'un congé formation de l'administratrice de l'époque, qui est partie, voilà, qui avait fait une grosse formation pendant 6 mois. Donc je suis venu 6 mois la remplacer. Ça tombait bien parce que ça me permettait 6 mois de quitter tranquillement le travail où j'étais, tout en derrière, en me disant que je pourrais. Être au chômage parce qu'avec 6 mois de cotisation, un emploi, j'étais tranquille. J'ai fait ça. Et puis à l'issue de ça, j'ai travaillé ensuite à la FRACAMA, qui est la Fédération régionale des musiques actuelles, pendant pareil à peu près 4 ans, 3-4 ans, où je m'occupais essentiellement, alors tout ce qui était études, enquête en fait sur le secteur de la musique en région centre. L'accompagnement aussi, alors pas tant des porteurs de projets de musique, mais pas mal, j'étais sur une mission plutôt auprès des collectivités territoriales qui souhaitaient développer des projets autour des musiques actuelles, donc échanger avec eux comment dans un petit village, quand on a envie de monter un événement musical, comment on fait, ou on est sur une petite ville moyenne, on a envie peut-être de travailler autour d'un local de répète, ou soutenir un local de répète présent, voilà, donc plus sur des logiques de territoire. Ça, puis après, bon, des missions un petit peu diverses et variées au sein du réseau, un peu d'accueil aussi quand même de conseils auprès des groupes ou de porteurs de projets musique, hein, on se partageait ça avec tous les salariés de toute façon. Donc j'ai fait ça, et puis il y a une dizaine d'années maintenant, à l'occasion du départ de l'administratrice de l'Astrolabe de l'époque, on m'a proposé en fait de prendre ce poste. Ayant eu une première expérience, 6 mois en remplacement, étant dans le projet associatif de l'Astro depuis le départ, je connais donc évidemment très bien la structure. Donc voilà, on m'a proposé le job, j'ai dit oui. J'ai dit oui, ça fait depuis novembre 2010 que je travaille à l'Astrolabe. Bon, c'est très impressionnant. C'est une belle première partie. Merci, Alexandre. Tu sais ce qu'on va faire? On va se faire déjà une petite pause musicale. Donc, c'est toi qui as choisi le titre. Donc, je vais essayer de bien. Donc, c'est River, déjà. Et donc, c'est de Space Dimension Controller. T'as vu un peu comment j'ai géré? À tout à l'heure. Merci pour la pause. À tout à l'heure. Thank you. Vous êtes à nouveau dans les coulisses de Bérénice. Mon invité aujourd'hui, ce soir, est Alexandre Bréchet, administrateur de la salle de musique actuelle, l'Astrolabe. Vous venez d'écouter Space Dimension Controller de Elotitsa River, de mieux en mieux. Donc, on a fait connaissance avec Alexandre Bréchet sur son parcours personnel et professionnel, enfin, surtout professionnel. Et donc, moi, j'ai des questions un peu plus précises sur le métier d'administrateur. Comme je te le disais en deuxième partie, on fonctionne comme ça dans les coulisses. Et moi, je voulais connaître, en fait, les missions. Quelles sont les missions d'un administrateur ? Alors, déjà, pour peut-être faire un petit point, il faut dire que sous le vocable administrateur, dans une salle de spectacle et dans une compagnie ou une structure culturelle, ça peut recouvrir quand même des réalités assez différentes. Il y a des endroits où les gens sont vraiment dans la gestion pure et dure, dans le sens où ils assument des missions de comptabilité, gestion des payes, etc. Suivi de la trésorerie, voilà, et puis d'autres missions administratives potentiellement. Voilà. Il y a d'autres endroits où l'administrateur est plutôt un directeur adjoint de la structure. Alors, et je dirais plutôt une sorte de directeur administratif et financier, en fait. Il y a un directeur artistique qui est souvent le directeur du lieu ou de la compagnie ou de la structure, qui s'occupe du projet en tant que tel, des choix artistiques, des grandes orientations. Et à côté, un administrateur qui est plus donc, directeur administratif et financier, qui va gérer les ressources humaines, tous les aspects contractuels, les grandes conventions avec les collectivités, par exemple, qui financent les lieux, tous les modèles conventionnels avec les structures avec qui on peut travailler, les différents contrats, les suivis budgétaires, etc. Et pas forcément d'avoir les mains dans le cambouis de la comptabilité et des payes. Alors moi, c'est plutôt mon cas. J'ai quelqu'un qui est comptable avec moi qui travaille, donc je ne fais pas de comptabilité, je ne m'occupe pas des payes. Par contre, je supervise son travail dans le sens où je lui donne des orientations, je suis apte à le contrôler. Il me demande conseil sur un certain nombre de choses. Alors, je ne vais pas rentrer dans le trop technique de la gestion parce que ça ne va pas passionner les auditeurs. Et donc moi, sur mon poste, ma mission, c'est vraiment ce que je disais, c'est-à-dire que c'est le suivi par exemple, du budget. J'établis le budget prévisionnel en lien avec le directeur, je m'assure de son suivi, qu'on est bien dans les clous, etc., en lien avec le comptable justement, ou avec mes collègues en fonction des budgets qu'on peut leur attribuer pour leur suivi. Je m'occupe de toute la partie juridique, donc ça va, c'est s'assurer que la structure fonctionne dans le cadre légal, que ce soit dans le droit du travail, fiscal, ça peut être les modèles de contrat aussi, toute la partie contractuelle comme je l'évoquais, donc être à la fois avoir un regard critique sur tous les contrats qui nous sont proposés, même si je ne lis pas tous, mais j'ai un collègue qui s'occupe d'un certain nombre de contrats, mais on voit ensemble, justement je le forme entre guillemets à bien pouvoir les lire et puis à savoir quelles mentions il faut étudier éventuellement, qu'est-ce qu'il faut faire modifier. Je peux être amené par exemple à fournir des modèles de contrats, à rédiger des modèles de contrats pour mes collègues en fonction des besoins. Toute la partie ressources humaines, donc les recrutements, le suivi des carrières, le suivi des rémunérations de paye, même si je ne fais pas les payes, mais c'est moi qui suis les avancements, etc. Les différents entretiens d'évaluation, les entretiens professionnels, la formation des salariés, les instances du personnel, l'élection du CSE par exemple, des choses comme ça, voilà. Et puis j'apporte aussi je suis en soutien du directeur sur l'animation du projet de la structure, sur certains aspects. Alors c'est à la fois dans le dialogue avec les financeurs, c'est aussi auprès de l'équipe relayer une partie du projet ou les aider, en tout cas les encadrer aussi sur des aspects, alors pas forcément artistiques, mais justement ça peut être sur l'organisation du travail, ça peut être sur comment monter, des fois avoir un échange sur comment monter un projet, sur des impôts, sur ma partie, c'est-à-dire les points de vue administratifs, juridiques, financiers, etc. Voilà, je pense que ça fait à peu près le tour. Si j'oublie des choses, je leur dirai plus tard, je pense. Il n'y a pas de souci. En fait, c'est toi le boss ici, quoi. Alors non, je suis pas le boss du tout de la structure. Il y a vraiment un directeur, Fred, qui vraiment s'occupe du projet. C'est lui qui définit les orientations artistiques. C'est lui qui suit vraiment la programmation. On a un programmateur qui choisit les groupes, mais c'est Fred qui donne les orientations, qui valide la programmation. C'est lui qui imagine potentiellement les nouveaux projets. Le festival au pop-up qu'on a créé maintenant il y a quelques années, c'est vraiment l'initiative du directeur. On avait depuis longtemps, on avait germé l'idée qu'un jour peut-être on ferait un festival. Bon, c'est vraiment son fait d'avoir poussé à sa création, et le format du festival en lui-même, c'est lui qui l'a vraiment conçu. Donc ça, c'est lui vraiment qui assure la direction. Moi, je suis plus en support de tout ça, et je vais au grain de tout ce qui n'est pas artistique, on va dire. Est-ce que c'est un métier avec beaucoup de responsabilités? Oui, il y a des responsabilités, puisque j'en ai entre les mains quand même le budget. Donc il s'agit quand même de savoir, d'être capable de bâtir des budgets prévisionnels d'activités qui soient réalistes. Il faut les suivre pour être sûr qu'on les tient. Alors à la fois dans les dépenses, mais aussi suivre les produits, les recettes pour être sûr qu'on est dans la bonne trajectoire. Et le cas échéant, bah, revoir tout ça s'il faut en cours d'année pour faire que l'association ne soit pas en déficit en fin d'année. Quand même, c'est important, hein. Donc oui, il y a des responsabilités. Il y a des responsabilités aussi parce que c'est la gestion du personnel. Donc il faut faire attention bah, aux gens, aux carrières des gens, il faut les former, donc c'est important de faut être attentif à tout ça. Et puis puis moi j'ai quand même l'aspect aussi légal et juridique, donc c'est-à-dire que demain, si on respecte pas les textes de loi, si on respecte pas la loi et qu'on se fait attraper, on pourrait me le reprocher. Enfin, en tout cas, moi, mon rôle, en tout cas, c'est toujours de signaler ce qui est légal, pas légal, qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire, ou est-ce que peut-être des fois il peut y avoir un petit peu une marge de manœuvre parce qu'il y a un peu de flou juridique, ou parce qu'il y a des pratiques qui font qu'on peut, voilà. Mais moi, en tout cas, c'est aussi être alerté si je constate des situations en disant attention, là, c'est peut-être un peu risqué. D'accord. Moi, j'ai une question. Dans le milieu culturel, est-ce qu'il y a des administrateurs un peu sous forme de... en privé, en fait, hein? Ils sont tous rattachés à des structures? Est-ce qu'il y a des indépendants? Alors, il y a des sortes... oui, ça peut exister d'une certaine manière. C'est-à-dire que... alors, comme je disais, le boulot d'administrateur, ça recouvre différentes choses. On va dire que le cœur du métier, peu importe où on se situe selon, enfin, les structures, c'est la gestion. Donc, ça sera toujours la partie budgétaire, ça sera souvent la question de la comptabilité, des payes, de tout ça, etc. La partie contractuelle. Ça, bon, ça restera toujours vraiment au cœur des choses. Donc il y a des structures qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir quelqu'un à temps plein sur leurs activités. Donc parfois il y a des gens qui sont embauchés par plusieurs structures. Donc ils ne sont pas forcément indépendants au sens d'avoir eu leur entreprise personnelle où ils vendent des prestations, mais c'est plutôt qu'ils sont multi-employeurs. Donc on est un peu dans ça. Ce qui existe aussi et qui n'est pas très loin du métier, c'est ce qu'on appelle les bureaux de production, qui sont des gens qui se positionnent en tant qu'administrateur de production, chargé de production, administrateur de production, qui vont proposer leurs services. Alors ça peut être à des compagnies de théâtre, ça peut être à des groupes de musique, à tout projet artistique, j'ai envie de dire, pour les accompagner dans un projet peut-être particulière. C'est pas forcément l'entièreté de la gestion de la structure, mais ça peut être de dire, voilà, vous avez un projet, je sais pas, de création d'un nouveau spectacle, un projet de tournée, voilà. Je peux vous proposer une prestation pour vous accompagner là-dessus, qui peut aller, oui, parce que ça, j'en ai pas parlé, mais les dossiers de subvention, parce que c'est moi, je m'occupe des dossiers de subvention de la structure. Ça peut être de monter donc des dossiers pour aller chercher des aides, bâtir le budget spécifique au projet, suivre ce budget, réaliser toute une partie des contrats qui vont autour, pourquoi pas travailler sur les embauches, etc. Donc c'est un boulot qui peut s'entendre comme ça. Et puis parfois, et des fois, ça existe quand même, il y a des structures qui sont un petit peu comme des petits cabinets comptables, je dirais, très spécialisés. Donc je pense notamment à une collègue qui travaille sur Tours, qui fait ça, qui a vraiment une formation comptable, enfin qui s'est formée à la comptabilité plus tard, parce qu'au départ, c'est pas son boulot, elle s'y est mise à la trentaine, bien placée même. Et maintenant, elle exerce, alors en indépendante, si on veut, elle fait de la comptabilité, de la gestion pour des compagnies de théâtre, des structures culturelles au sens large, en lien avec un cabinet d'experts comptables dans lequel elle a travaillé, elle s'est formée, donc elle n'est pas expert comptable, mais elle travaille avec ce cabinet pour la certification des comptes. Et elle propose ses services comme ça. Donc là, c'est plus une sorte de cabinet comptable très spécialisé secteur culture et association. Donc oui, on a des gens comme ça qui, des fois, peuvent exercer plus en prestation de services pour d'autres. Ça existe. Tu m'as dit plein de choses. Hein. Toujours très intéressante, hein, ceci dit. Je voulais te poser la question, si tu pouvais me décrire une semaine type. Hein, mais là, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Ou une journée type quand l'activité est là, bien sûr. Quand il y a des concerts en semaine, etc. Est-ce que y a, pour se rendre compte un peu du flux de travail, en fait, le flux d'activité te concernant, le nombre de contrats que tu dois faire ou ce genre de choses, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as une idée sur la masse de travail sur, est-ce que c'est possible de le quantifier, d'ailleurs? Parce que souvent, dans la musique, quantifier, c'est compliqué. Est-ce que tu peux quantifier ou pas du tout ce genre de choses? Alors, pour moi, c'est un, enfin, pour moi, c'est-à-dire que là où, dans le poste où je suis, c'est un petit peu pas particulier, mais disons que moi, j'ai un poste qui est pas complètement, dont le rythme de travail, en fait, n'est pas lié forcément au rythme d'activité de la salle de concert. Dans le sens où, par exemple, je parlais des contrats. Alors, bon, le terme technique, par exemple, les auditeurs vont découvrir, mais on parle de contrat de cession de spectacle. C'est-à-dire que nous, entre guillemets, on achète des spectacles à des producteurs et on leur paye un prix. Ils nous envoient leur groupe et nous, on fait jouer ce groupe. Je ne fais pas le suivi administratif de ces contrats. J'ai un collègue qui s'occupe de la production, qui est chargé de production, qui, lui, reçoit tous ces contrats, les regarde. Alors, quand il y a des questions, il vient me voir, effectivement, pour, sur des articles précis, peut-être, ou des fois, il s'interroge. Là, je lui en fais la lecture et on se met d'accord sur comment éventuellement il renégocie les choses. Donc, moi, je n'ai pas cette partie-là. Je dirais que s'il y a beaucoup de concerts ou peu de concerts, ça ne va pas forcément énormément impacter mon travail parce que je ne fais pas les payes des techniciens, puisque j'ai un comptable qui le fait, j'enregistre pas toutes les opérations comptables, il le fait, et les contrats, c'est mon collègue à la production. La seule chose que ça va impacter, c'est que comme c'est moi qui compte toutes les caisses et qui fait les dépôts à la banque à la fin, c'est s'il y a eu beaucoup ou plus ou moins de concerts, j'ai plus ou moins d'argent à compter à la fin de la semaine ou du mois. Voilà. Mais moi, mon travail, il est quand même plus sur le fond de la structure, ce qui fait que j'ai plutôt des semaines assez quelconque, je dirais, c'est-à-dire que je travaille du lundi au vendredi, de 9h à 18h, avec ma pause déjeuner. Alors, s'il m'arrive d'avoir quelques réunions en soirée, notamment quand il y a les conseils d'administration de l'association, puisque j'y assiste en tant qu'invité, ça en fait en soirée, puisque les gens sont bénévoles, mais où je participe parfois aux activités de la salle, quand il y a le festival au pop-up ou les gamins, où je file un coup de main à l'organisation, mais quand il y a le soir de concert, par exemple, je viens, mais je viens en tant que spectateur. Je n'ai pas d'activité pendant les concerts. Donc moi, je suis sur un travail plus de fond, ce qui fait que même à l'heure actuelle, même si on a une activité réduite concert, mais qu'on fait d'autres choses, réduite, très très fortement réduite, puisqu'elle est proche de zéro, elle est même à zéro, on fait d'autres choses, on fait des résidences d'artistes, on fait de la vidéo, on fait des... Enfin, moi, mon activité est quand même, alors je ne vais pas dire pas du tout impactée, parce qu'on est quand même sur un rythme un petit peu moindre, enfin c'est moins dense, mais moi j'ai du boulot tout le temps, parce que... là, en ce moment, je fais des demandes de financement qui sont des demandes de financement qu'on fait annuellement pour des projets. J'ai des suivis de dossiers, de contrats. On a des aides CAPASSO de la région pour des emplois ici. Là, j'ai des dossiers, il faut que je renouvelle. J'ai tout un tas de choses comme ça. La gestion du personnel, ça ne s'arrête pas, même s'il n'y a pas d'activité. Donc du coup j'ai des semaines. Alors j'ai pas de semaine type dans le sens où je fais pas tout le temps les mêmes choses toutes les semaines aux mêmes horaires, mais j'ai des semaines assez calées sur des temps de travail que peuvent avoir beaucoup de gens. Par contre, il y a des périodes de l'année qui sont plus ou moins denses. La particularité quand même, c'est qu'on malgré tout, je suis dans un rythme où tous d'ailleurs, on concentre quasiment toute notre activité sur 10 mois de l'année. Puisque la saison quand même est de septembre à juin, on fait l'essentiel du boulot entre cette période et malgré tout, ma présence est quand même très fortement là, parce que même si mon boulot personnel, ce que je fais, est pas, comme je disais, un travail de fond de long cours, il y a quand même nécessité d'être très présent de toute façon, parce que les collègues ont besoin de moi, enfin pas que de moi, mais on a besoin d'être tous ensemble pour pouvoir travailler. Donc il faut être aussi dans le même rythme que les autres pour ça. Voilà, donc j'ai pas trop répondu à la question de la semaine type, mais voilà un petit peu les choses. C'est bon, ça enregistre toujours, impeccable. Donc si, tu as répondu à ma question, à d'autres questions d'ailleurs. Donc c'est très bien aussi. Moi j'ai une question sur les passerelles de métier. De ton côté, est-ce que tu te vois, après c'est ton avis perso hein, bien sûr, ou des expériences de collègues, je ne sais pas, qui ont le même, peut-être pas totalement le même parcours, mais qui n'ont peut-être pas les mêmes envies que toi. Qu'est-ce qu'on peut faire en étant administrateur après, dans le milieu culturel ou pas, parce que finalement tu peux travailler dans d'autres domaines que le milieu culturel? Alors, en fait, c'est une question. Alors, c'est pas évident de répondre parce que ça dépend, je pense, beaucoup des personnes en fait quand on parle de ça. Dans le sens que ce qui peut beaucoup compter, c'est déjà aussi quel était le parcours de la personne avant de faire ce métier d'administrateur. C'est quoi sa formation initiale? Qu'est-ce qu'elle a pu suivre comme formation professionnelle tout au long de son avis? Quel est son parcours professionnel? Parce que c'est peut-être pas des gens qui ont été administrateurs toute leur vie, mais qu'on fait d'autres choses avant. Et puis, comme je disais, ça dépend aussi de quel était le travail en tant qu'administrateur. Qu'est-ce qu'on y faisait? Ça aussi, c'est important. Donc, ce qui compte, c'est les missions presque qu'on a exercées et comment on peut le valoriser à l'extérieur. Alors, il y a... après, je pense qu'il y a plein de possibilités. C'est-à-dire qu'on peut continuer vers des jobs qui sont liés à la gestion, l'administration de structures. Dans des secteurs, alors pas forcément de la culture, oui, on peut aller vers autre chose. Ça peut être un secteur, rester dans le secteur associatif. Enfin, moi, je suis dans une association. Après, il y a des administrateurs, toutes les structures culturelles ne sont pas gérées en association. Hein. Il y a des entreprises privées commerciales, il y a des collectivités territoriales. Mais on peut rester, voilà, vouloir rester peut-être, ça, après, c'est un petit peu peut-être des envies vers quel secteur on a envie de se diriger. Et puis, selon le parcours, l'expérience, ce qu'on a eu à gérer, etc., on peut très bien envisager d'aller travailler en entreprise, se postuler à d'autres trucs en valorisant son parcours. La question, c'est comment on arrive à bien valoriser ce qu'on a fait et son parcours, parce que peut-être il peut y avoir une difficulté vis-à-vis d'entreprise à faire comprendre ce qu'on faisait. Et à avoir un peu de. D'être regardé sérieusement. Ça peut être la question, parce qu'il peut y avoir encore des employeurs qui ont peut-être un regard déformé sur ce qui se passe dans le secteur culturel, pensant que c'est très libre, que voilà, les choses ne sont pas forcément très sérieuses, ce qui n'est pas le cas du tout. Donc, ça peut être peut-être pour certains une difficulté parce que peut-être qu'il y a des entreprises qui ne vont pas forcément mesurer à juste hauteur ce que peut être l'expérience dans le secteur. Il y en a d'autres, peut-être, par contre, pour qui ça ne posera absolument pas de problème. Mais je pense que ce qui est important aussi, c'est comment on l'adosse à une vraie formation et à des compétences qu'on peut vraiment faire valoir. Parce que c'est ça qui peut être compliqué, peut-être, pour des gens qui n'ont. Parce que. Il y a des parcours que je connais de gens qui se sont retrouvés administrateurs alors, dans des plus grosses, plus ou moins grosses structures, mais qui n'ont pas forcément qui ont appris sur le tas, en fait, j'ai envie de dire. Parce que c'est de l'engagement passionné, militant, qui fait qu'à un moment, il y avait une opportunité de job, on y allait, et puis on a appris sur le tas. Je pense que là, les gens qui veulent partir de là, à ce moment-là, s'ils ne l'ont pas déjà fait, quand même, il y a une vraie question autour de la formation professionnelle ou de la validation des acquis, pour amener des choses qui permettent éventuellement d'aller vers un autre secteur, parce qu'il n'est pas certain complètement que l'expérience dans le secteur culturel soit valorisée à sa juste hauteur. Et toi, personnellement, tu te vois faire quoi entre 2 et 5 ans ? Entre 2 et 5 ans, eh ben, écoute, je ne sais pas encore, je ne sais pas trop, parce que c'est un peu... Je ne serais pas là comme ça dire ce que je ferais exactement. Ce que je pense en tout cas, c'est que ça fait maintenant un petit peu plus de 10 ans que je suis là. Ça fait un petit peu plus de 20 ans du coup que je suis aussi quand même inscrit dans ce projet. Je passerai pas, je pense, encore 10 ans ici, hein. Je ferai sûrement autre chose parce qu'au bout d'un moment, faut changer, faut aussi aller voir, faut aller vers d'autres horizons. Et puis c'est peut-être bien aussi que, y compris pour le projet même où on est, que ça soit pas toujours les mêmes personnes qui exercent les fonctions. C'est bien, ça peut être sain que justement ça se renouvelle. Voilà. Donc après, je sais, là, je sais pas, je sais pas. À l'heure actuelle, j'éprouve pas le besoin vraiment de partir, mais je sais qu'à un moment ça arrivera. Voilà. Pas trop répondu à ma question, mais c'est pas grave. Je peux faire Mais peut-être que voilà, on peut pas non Garde-moi aussi, plus. je peux essayer. Ouais, non, mais c'est pas grave. Moi, j'ai deux dernières Ouais. questions. Après, tu veux évoquer quelque chose, bien sûr, il n'y a pas de souci. Quel conseil tu peux donner à ceux qui souhaitent s'orienter vers ce métier? Eh bien, faut soigner la formation initiale, ou si on est en cours de reconversion, je sais pas, faut se former vraiment de façon efficace et puis sur des vraies compétences de gestion. Alors je dis ça parce que, enfin, je dirais surtout attention parfois aux formations qui sont proposées pour la gestion et l'administration de projets culturels. Parce que j'ai accueilli régulièrement des gens en stage qui suivaient des masters notamment, etc. Et j'ai pu constater quand même, ou des licences professionnelles, il y a une diversité de propositions de formation, et avec des propositions qui ont des contenus plus ou moins intéressants, voire des trucs qui sont, je trouve, complètement ahurissants de vouloir espérer pouvoir bosser après avoir suivi ça comme parcours. Parce que à mon sens, des fois j'ai même eu tendance, certains jeunes que j'ai pu, à qui j'ai pu échanger, de leur déconseiller de faire ces formations culture et de s'orienter vers des formations de gestion d'entreprise pure et dure, IAE dans les universités, etc., en leur disant de toute façon ça sera beaucoup plus simple pour vous d'être formé au secteur, et ça j'en démords pas, et je pense que c'est encore un bon conseil. Enfin, surtout, je pense aux jeunes, hein. Je parle pas forcément pour les gens qui sont en reconversion, parce que là, ils font un choix à un moment donné, ils sont grands, vaccinés, on va dire, ils savent ce qu'ils font. Mais une formation initiale, faut vraiment qu'elle soit vraiment dans la gestion d'entreprise. C'est des formations généralistes qui permettent à l'épreuve de bosser un peu partout. Donc, dans le un peu partout, il y a aussi le secteur culturel. Parce que tous les secteurs d'activité ont leur spécificité métier. Dans le BTP, on bosse d'une certaine manière. Il y a des spécificités d'emploi, de métier dans le BTP. C'est pareil dans la restauration. C'est pareil dans des secteurs de services, etc. La culture aussi a ses spécificités. Mais je pense que ce qui compte, c'est un vrai tronc commun de formation au départ, où il faut avoir fait de la compta, il faut avoir fait du droit fiscal, il faut avoir fait du droit social, il faut avoir fait vraiment de la gestion financière, il faut avoir pu faire peut-être des cours de sociologie des organisations, de la ressource humaine, etc. C'est important en fait d'avoir cette formation de base. Et puis, il faut pas se leurrer, on est quand même nous dans un secteur où le marché de l'emploi est très très très bouché. Où justement il y a aussi toutes ces formations qui sont là dans toutes les universités maintenant de France, il y a au moins un master culture. Ils forment des cohortes de jeunes à ça, je ne sais pas où ils vont travailler. Je trouve que pour moi ça me choque que les universités presque soient arrivées à ce niveau-là, parce que je pense qu'on survend en fait aux jeunes la possibilité d'un emploi derrière ça. Et que donc, moi, c'est une vraie inquiétude, hein, pour ces jeunes, pour moi, parce que je me dis qu'on en laisse sur le carreau, parce qu'ils vont sortir de master gestion culturelle, il n'y aura pas d'emploi derrière pour tous, mais loin de là. Que vont-ils faire après ça? Alors que justement, qu'une formation généraliste dans gestion d'entreprise, bon, bah, peut-être qu'on ne trouve pas dans le métier de la culture tout de suite un métier dans la culture. Par contre, il y a tous les autres secteurs d'activité où on peut peut-être aller, en attendant de trouver peut-être le poste dont on rêve, mais en attendant, on a un boulot, on peut voilà, avoir un toit sur la tête, remplir le frigo. Être indépendant de ses parents, enfin voilà, c'est des choses qui sont importantes, je pense. Donc, il faut pas, je pense qu'il faut miser vraiment sur ce parcours de formation pour pouvoir être plus autonome et après s'ouvrir les possibilités dans le secteur culturel. Voilà. Donc moi, pour moi, c'est ça quand même le premier conseil que je donnerais à des jeunes qui veulent se lancer. Merci Alexandre. Dernière petite question avant de s'écouter coupe-gorge et puis se quitter. Comment vois-tu la reprise et l'ouverture des salles de spectacle après la période sanitaire qu'on vit? Voilà, c'est la dernière question. Eh bien donc en 2050, quand nous reprendrons les concerts, comment je vois ça? Alors, bah, après, nous en tout cas, le point de vue qu'on a au sein de l'équipe et la manière dont on l'aborde, Nous, on considère que notre salle, elle sera fermée jusqu'en juin. Il n'y aura pas de reprise de concert debout dans des salles. Pour nous, avant l'été, on n'y croit absolument pas. Donc, on ne travaille à aucune programmation d'ici à l'été pour la salle. On travaille pour la rentrée pour à partir de septembre-octobre 2021, où là, on espère qu'effectivement, à la fois la politique de vaccination, le retour des beaux jours qui devrait faire que les gens seront plus dehors, peut-être du coup se contamineront moins dans des endroits fermés, devrait permettre une reprise globale, hein, je pense, de l'activité en France, à un niveau normal, sans couvre-feu, sans tout ça, ouais, parce que ça aussi c'est compliqué quand même d'imaginer faire des spectacles à je sais pas quelle heure d'ailleurs. Alors toutefois, nous on essaye de miser peut-être alors sur notre festival au pop-up qui aura lieu au mois de septembre. Comme on a eu la chance de pouvoir le faire là, en 2020, on est tombé dans une fenêtre de tir incroyable, vraiment le coup de bol. Donc on se dit qu'on pourra peut-être le refaire cette année. On réfléchit peut-être à une programmation extérieure fin mai, début juin, peut-être sur un week-end, un petit peu faire un espèce de gros week-end de concert en plein air, histoire de proposer quand même quelque chose à Orléans. Peut-être un petit peu sur la période estivale aussi, peut-être juillet, des choses, août aussi, en plein air, en partenariat avec une autre structure. Bon, j'en dis pas plus parce que pour l'instant rien n'est calé. Mais on mise plutôt là sur le plein air à partir du printemps, là, du début de l'été, et puis peut-être une reprise normale en septembre. Très bien, merci. Bah, écoute, merci de m'avoir accueilli dans les locaux, de vos nouveaux locaux administratifs de l'Astrolabe hein, pour nous parler du métier d'administrateur. Je vais souhaiter plein de bonnes choses à toute l'équipe, merci. Bien sûr. Et puis, te remercie encore de m'avoir accueilli. Et voilà, donc on vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, bon retour à tous. Et au revoir, à Alexandre. Merci, au revoir. Au revoir, à bientôt. Rien pour changer, une minute à plus rien penser, c'est un écoutez votre radio sur www.radioweb-passion.com.